des rassemblements des compatriotes coréens d'outre-mer pour la démission de Bakounine, en signe de soutien à la 5e action pan-nationale de la population sud-coréenne, ont eu lieu le 26 novembre dans 53 villes de 20 pays, comme Paris, Bruxelles et des villes importantes d'Allemagne.